Nimbus, Mirette et leur nouvel ami s'enfoncent dans un sous-bois où un chemin les entraîne au cœur de la forêt. Mais bientôt, les ronces et les buissons épineux remplacent les arbustes fleuris, formant une jungle hostile. Les arbres sont si hauts, si serrés, que le soleil n'arrive même plus à percer et une obscurité malfaisante s'installe. À n'en pas douter, ils viennent bel et bien d'entrer sur le territoire de Nécrochu. Tu as vu Nimbus, la végétation depuis quelque temps s'est métamorphosée. Cela ne me dit rien de bon. Tu as raison, il règne ici une ambiance malsaine. Oh mon Dieu, Nimbus, j'ai peur. Toutes ces ronces aux bras griffants, ces arbres immenses, ces ténèbres. Je t'avoue, Mirette, que je ne suis pas rassurée non plus. Monsieur Sirius, où sommes-nous? Allons, les enfants, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà venu dans cet endroit. Oh, certes, il y a bien longtemps, j'étais jeune, et la végétation était colorée et odorante, pas comme aujourd'hui. Mais depuis que Nécrochu s'est installé dans cette contrée, tout s'est soudainement transformé à son image. Mais soudain, près d'un marais glauque et nauséabond, se dresse une vieille chaumière à l'aspect inquiétant. Nos trois amis s'en approchent, méfiants. Regardez, la porte est ouverte. Nécrochu est peut-être sorti. Attendez-moi ici, je vais aller voir par la fenêtre. Sirius, prenant son élan, vole vers la chaumière et se pose sur le bord d'une lucarne. Après avoir observé l'intérieur de la demeure, il rejoint nos deux souris. C'est bon, mes amis, vous pouvez y aller, tout paraît calme. Très bien, on y va, Mirette. Vous, monsieur Sirius, restez dehors et à la moindre alerte, poussez votre cri. Les souris, laissant le hibou monter la garde, s'avancent vers la chaumière et après d'infinies précautions, pénètrent chez Nécrochu. Dans un coin se trouve une commode et une horloge silencieuse. Dans un autre coin, une grande étagère où se rangeaient des dizaines de flacons au contenu douteux. Au milieu de la pièce, une table sur laquelle est posé un verre. Enfin, dans une cheminée au-dessus d'un feu, une énorme marmite bouillonnante et suspendue répandant une odeur répugnante. Tout d'abord horrifiés par la saleté repoussante de ce lieu sinistre où les innombrables toiles d'araignées côtoient de noirs cafards, nos deux amis s'avancent vers l'étagère aux flacons. Tu as vu ça, Mirette? Tous ces flacons? L'un d'entre eux doit contenir la potion magique qui guérira Philémon. Oui, mais nous ne savons pas lequel. Dans un coin sombre, une forme noire s'étire. Jusqu'à présent, les souris n'y avaient pas prêté attention. Mon Dieu, c'est terrifique, le chat de la sorcière! Vite, Mirette, vite, vite, vite! Cachons-nous derrière cette pendule! Les souris se faufilent derrière la pendule. Pendant ce temps, le chat s'est réveillé et en reniflant, fait le tour de la maison. Bien, c'est curieux, ça. Il m'a semblé entendre des voix. Pourtant, il n'y a personne. Alors, j'ai dû rêver. Terrifique, après avoir regardé une dernière fois dans la pièce, retourne se coucher dans son coin et se rendort. Hé, petite souris, vous pouvez sortir. Terrifique s'est rendormi. Mirette et Nimbus, un peu effrayés, sortent tout doucement de leur cachette. C'est moi, la pendule, n'ayez pas peur. La pendule? Mais vous pouvez parler? Mais comment est-ce possible? La pendule se met à bouger et s'avance un peu dans la pièce. Les souris, apeurées, reculent. Non, non, n'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre de nous. Comment cela, nous? Vous êtes donc plusieurs? À ce moment, la commode s'avance à son tour. Les souris sursautent. Eh oui, moi aussi je partage le sort de mon ami la pendule. Mais de quel sort parlez-vous ? C'est Nécrochu, cette méchante sorcière qui nous a transformés en objets. En réalité, je ne suis pas du tout une pendule. Je m'appelle Longbec et je suis un héron. Et moi, je ne suis pas une commode non plus. Mon nom, c'est Koukak. Je suis une grosse grenouille. Fin de la troisième partie. Quel sinistre endroit. Et quelle vilaine sorcière avec sa manie de tout transformer. D'ailleurs, méfiance, elle ne doit pas être loin. Alors, on s'arrête là ou bien on continue ? C'est à toi de décider.